Informations complètes et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. CKRL HD. Une radio haute décibels. Bonsoir, amateurs de musique progressive. C'est l'émission Terra Incognita de 22h jusqu'à minuit. Et encore une fois, on succède à l'excellente émission de Jacques Dulac et Vincent Delisle. Et vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté, une mise en onde, et de Jean-François Lamarre, l'animation. Et encore une fois, on a une foule d'invités virtuels, si on veut, une sorte de nouveautés. Et de choses peut-être un peu moins nouvelles. Mais dans ce cas-ci, c'est presque toutes des nouveautés. Et pas mal de pièces italiennes. On a aussi des nouveautés du hollandais Arion qu'on attendait depuis un petit moment. Ça fait quand même pas mal longtemps qu'il n'a pas sorti d'album. Et il nous arrive avec The Theory of Everything. Un très bel album qui est composé surtout de pièces très courtes. Donc c'est une sorte d'opéra rock. Et on va entendre un petit extrait parce que c'est toutes des pièces qui tournent autour des quelques secondes jusqu'à à peu près 3-4 minutes. On va en entendre juste une petite pièce là, pour ce soir parce que l'émission est quand même assez chargée. Mais disons qu'on devrait trouver le tour là, d'écouter un peu tout ça. Il a fallu faire des choix, évidemment. Et on va débuter avec une grosse pointure. C'est le groupe italien Pandora qui en est à son troisième album qui s'appelle Alibi Philosophico. Et c'est surprenant. C'est un groupe qui me surprend, je pense, à chaque album. Parce que on dirait qu'on ne sait pas où les retrouver. Disons que sur le premier, il y a un petit côté là, assez rock, mais disons qu'il était peut-être un petit peu plus folk. On trouvait ça un petit peu plus dans le deuxième aussi. Celui-là, la première pièce, par moment, on pense un petit peu à Dream Theater. Et à d'autres moments, c'est même presque folklorique. Le petit côté folk est aussi. Disons que dans la pièce qu'on va entendre, ça donne quand même une certaine idée. C'est la pièce Né Titolo, Né Parolé. Et un autre groupe italien qu'on va entendre en troisième partie, In Grana G della Valle, In Oxonio, c'est le titre de l'album. Et finalement, des vieux routiers qui veulent pas mourir. Et tant mieux, c'est PFM qui nous ont sorti un album qui s'appelle PFM Classic da Mozart a Celebration. On va entendre avec un orchestre symphonique la Luna Nuova. Et on débute ça avec Pandora. nothing more to hide. I've got nowhere else to go. Can I stay with you tonight? After all that you've been through, how could I turn you away? We were always meant to be. I don't care what people say. Don't you believe it? Don't be a fool. Manipulate you is all he wants to do. You're being used. Don't let him play you. All he wants to do, he wants to be with you. Polveri, scalpiti o di zoccoli, bruciate insieme al vento in alto, gli stendardi come vele urlanti di navi, servi di due chiavi. È da certo ormai la città del Cristo, e Polonia cata, stinti negri di libertà. Vedrai. We'll be right back. vogliamo le strade, gli scudi, le spade, per riempio di sacra. Thank you. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Oh ouais. Oh ouais. Dans le quartier Saint-Roch, il y a un salon de dégustation. Station. Où l'on sert la bière de différentes façons. Son. On y trouve même un Randall. Check it out. L'Amicale des arracheuses et arracheurs de dents de Québec, organisme reconnu par l'ONU, vous présente son concours de menterie. Des conteuses et des conteurs de toute la galaxie tenteront de convaincre des juges de renommée mondiale que leurs histoires sont vraies. Le concours n'est pas ouvert aux professionnels du mensonge. Dentiste? Ça fera pas mal. Vendeur itinérant? C'est fait au Québec. Banquier? Vous êtes important pour nous. Politicien? Avocat? Mon client, M. Marcoux, est un homme respectable. Le samedi 9 novembre à 14h au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Que vous soyez un amateur de musique ou un collectionneur averti, le 9 novembre aura lieu la première foire du disque de Québec. Des vendeurs de toute la province seront présents avec des milliers de disques vinyles. Rendez-vous de 10h à 16h au Centre récréatif Saint-Roch, 613 rue du Prince-Édouard, 2$ l'entrée. Pour plus d'informations, visitez foiredudisquequebec.com. Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danses, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la Claire Ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. Et comme je vous disais tantôt, il y a des vieux groupes comme PFM qui continuent à bien faire, je pense, depuis les dernières années. Ce groupe-là se renouvelle. On dirait qu'il est plus jeune qu'il l'a jamais été, mais en tout cas depuis plusieurs années. Et ce PFM est une classique et franchement très bien réussi. Il y a des images qui circulent sur le net. Mon ami Jacques Arsenault m'a permis d'avoir accès à tout ça et je l'en remercie. C'est vraiment franchement intéressant. On a entendu La Luna Nueva. C'était précédé de In Granaggi de la Vallée, Arion, et on avait débuté avec Pandora. Et évidemment, les vieux font très bien. Comme je pense cette année, les deux qui ont le mieux paru, c'est, je pense, Deep Purple et Black Sabbath, qui ont sorti des albums vraiment incroyables. Ça faisait des années que ces groupes-là n'avaient pas été aussi productifs. Et quand ils ont la bonne idée de ne pas mourir, comme notre ami Lou Reed, qui est décédé dernièrement, comme nous le faisaient remarquer nos amis Vincent Delisle et Jacques Dulac, qui ont consacré leur dernier bloc à Lou Reed. Et d'autres vieux, c'est pas nécessairement, je veux pas être désagréable en disant ça, mais ce sont des vieux routiers. Je parle de Museo Rosenbach, qui avait sorti un album extraordinaire qui s'appelait Zarathustra en 1973, puis ils remettent le couvert en 2013, donc 40 ans plus tard. Et bon, est-ce que c'est un hasard si Il Tempio de l'Etlicidere, dont le nom vient d'ailleurs de l'œuvre Zarathustra, ces jeunes-là, un petit peu gothiques, qu'on a mis une pièce d'ailleurs à la dernière émission. Et est-ce que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Ça leur a donné un boost de voir que des jeunes reprenaient leur album comme ça, reprenaient des pièces de Zarathustra. Et ça les a encouragés à faire un retour. Donc, le nouvel album qui est sorti dernièrement s'appelle Barbarica. On va entendre Il Respiro des Planétés. Et disons, un infatigable, c'est Steve Unruh, qui fait partie de Samurai of Prog, qui ont sorti un album double où ils font des reprises. cet album-là s'appelait Secrets of This Guy. On va entendre Aspiration, une pièce de Gentle Giant. Une très belle pièce d'ailleurs qui était chantée, si je ne me trompe pas, par Kerry Menhir de sa voix douce. Et cette fois-ci, c'est plus un jeune groupe, Il Cercio d'Oro, et qui nous a sorti un Dédalo y Icaro. On va entendre une pièce qui s'appelle Imio, nommé et Dédalo. Et je vous rappelle que l'émission est disponible en podcast, donc vous pouvez réentendre les commentaires et aussi les morceaux qu'on fait jouer. Mais sur le site aussi, il y a des liens pour le site de l'émission où ce qu'on retrouve la setlist de l'émission. Donc si il y a des noms que vous voulez voir écrits, des fois c'est plus facile. Donc allez sur le site de CKRL et vous trouverez le lien pour l'émission. Donc on débute avec Museo Rosenbach. Grigia braccia ardente, voli di corpi incisi nei tramonti, disegnare indicate sentieri, le nasconde le parole che portano tempesta.

lontano da ogni sirena. Braccia ardente, aquile in volo all'orizzonte. Please make your so

À l'approche de la période des fêtes, Bouquinerie Nouvelle Chance, 1595 Canardière à Québec, vous demande de faire preuve de générosité en faisant don de vos livres, CD et vinyles usagés. Les dons les plus modestes nous permettront de poursuivre notre mission sociale. Bouquinerie Nouvelle Chance, une jeune entreprise d'économie sociale à Québec, a besoin de vous pour venir en aide aux gens en difficulté à réintégrer le marché du travail et rendre la lecture plus accessible à tous et à toutes. Bouquinerie Nouvelle Chance, 418-948-3287. Comme le faisait remarquer Bruno, le prog italien est à l'honneur dans l'équipe de Terra Incognita. Les quatre membres de l'équipe sont assez versés vers le prog italien. Et d'ailleurs, cette émission l'est particulièrement avec Il Churchill d'Oro qui a fermé ce deuxième bloc. Et juste avant, c'était Samurai of Prog et un autre groupe italien des Revenants, Museo Rosenbach, qui débutait. Et ben, là, on s'en va en Norvège avec Moon Safari, qui fait toujours très bien avec des disques qui sont assez vocaux, mais sans faire des harmonies à la America ou Crosby, Stills and Nash. Et c'est vraiment particulier leur façon de chanter. Et en fait, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est la première fois qu'on en met. C'est Il Backen Volume 1, on va entendre la pièce Mega Moon. Ce sera suivi d'un autre groupe italien pour faire changement. Not a Good Sign. Michel m'est arrivé avec ce disque-là qu'il trouvait absolument extraordinaire. J'ai pas eu le temps de l'écouter beaucoup. J'en ai choisi une pièce. C'est d'ailleurs la première, Almost One. Et ce sera suivi, pour changer, de Periferia del Mondo, un autre band italien, et du groupe français Elora. Contenu francophone oblige. You'll be

aime, je reprends part au combat. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers, ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. C'est parce que le chanvre industriel est déjà légal depuis 1998. Et à Québec, c'est à la boutique Écotantique qu'on peut s'en procurer. Venez découvrir la plante la plus fantastique que la nature nous a donnée. Pour vos cadeaux, la boutique Écotantique vous offre un vaste choix de produits écologiques, dont les vêtements Abaca fabriqués à Shawinigan. 160 rue Saint-Paul dans le Vieux-Port. 418-692-0118. Écotantique.com. Au début, il y eut le ciel, les étoiles, le soleil, le vent et les arbres. Et dans leurs feuilles vint la musique. Et ce jour, le cœur de l'homme s'apaisa. Il vous est possible d'en retrouver l'écho. Le choix est vaste, certes. Beaucoup sont différents, mais d'autres plus familières. Un peu comme si elles vous ressemblaient. Tendez l'oreille, tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, à CKRLMF 89.1 Québec. Denis Barry vous propose l'émission « L'opineur du chef ». Peut-être y trouverez-vous des airs de parenté. Sait-on jamais? Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Et nous sommes de retour avec un quatrième bloc qui arrive, ma foi, un peu vite. J'ai l'impression que l'émission a passé en seulement un instant. Faut dire qu'avec tout le matériel qu'on avait ce soir, il y avait de quoi faire plus qu'une émission. Et on a terminé avec Elora. C'était précédé de Periferia del Mondo. Comme je disais, un disque assez étrange parce que par moment, on pense un peu à Deep Purple, à du Black Sabbath, celui, en fait, la pièce qu'on a mis. Nel Regno des Chechi, c'est bien ça. Sonnait un petit peu Black Sabbath par moment. Et justement, c'était Not a Good Sign, comme disait Jacques Dulac. Bon, il y a des petits côtés King Crimson là-dedans. Je connais pas encore vraiment l'album parce que je l'ai eu sur l'heure du souper, puis j'ai eu le temps d'écouter cette pièce-là qui m'a plu beaucoup. J'ai décidé de l'insérer dans l'émission. Mais c'est pas toujours dans ce mood-là, d'après ce que j'ai pu voir. Mais d'après les critiques que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, ce serait quand même excellent. Et juste avant, Moon Safari, moi c'est un groupe qui me plaît depuis des années, des harmonies vocales toujours intéressantes. Et ça nous amène au quatrième bloc, comme je disais, avec Sonu Sombra, un très très bon groupe américain, qui est, je pense, d'origine soit espagnole ou sud-américaine. Je pense que c'est plus sud-américaine, mais présentement le groupe est basé à Chicago. Et ils nous ont sorti un disque qui s'appelle Solstice. C'est quand même intéressant comme nom d'album parce que c'est un mix entre la soul et le solstice. Moi, je trouve que c'est un jeu de mots qui est quand même intéressant. On va entendre Palestinian Black et ce sera suivi de Myriador et d'un autre groupe canadien qu'on retrouve sur l'album de Stories of H.P. Lovecraft. C'est le groupe Ars Ephemera et on entendra The Other God. C'était le groupe canadien Ars Ephemera qui compte dans ses rangs Martin Levac à la batterie, bien connu pour sa personnification de Phil Collins, et aussi David Myers, qu'on connaît bien aussi pour ses interprétations de pièces de Genesis solo au piano. Mais dans ce cas-ci, ils se font accompagner de beaucoup d'autres musiciens, et ça sonne assez plein. Et au début, vous aurez sûrement remarqué, comme Bruno, que ça sonnait un petit peu Gentle Giant. Mais par la suite, moi je trouve que ça ressemble beaucoup plus à Genesis, de la période... Wind and Watering particulièrement. Et juste avant ça, c'était un autre groupe canadien, Myriador, qui vient de faire paraître un disque qui s'appelle Cobra Fakir. On a entendu la pièce Maringouin. Et si vous avez entendu le disque précédent, ben c'est dans la continuité de ce disque-là. Il n'y a plus de saxophone, ça sonne différemment. Et je pense que ça sonne un petit peu plus progressif, je dirais, plus que rock in opposition. Mais il y a quand même des tendances comme ça. On sent un petit hommage là, au groupe Samla Mama Manas. Manas Mana. Et on avait débuté avec Sonus Umbra. J'avais dit d'origine sud-américaine. J'ai regardé sur Internet, même s'ils sont basés à Chicago, on dit sur Prog Archive là, qu'ils viennent du Mexique. Là. Je pense qu'au moment des premiers albums, il est encore basé au Mexique. Et bon, je parlais des premiers albums. Le premier vrai disque qu'on considère est sorti en 2000. Il y en a eu un en 2003, après ça 2005. Et ce disque-là qui s'appelle Winter Solstice, disons que ça fait 8 ans qu'il n'y en a pas eu. Et on va terminer pour rester un petit peu dans la même veine. Steve Hackett qui vient de faire paraître Genesis Revisited Live at Hammersmith. Et ce gros coffret comprend 3 CD et 2 DVD, dont le concert au complet. On retrouve un petit peu le même contenu qui a été joué à Québec, mais avec des pièces supplémentaires. Donc, il y en a un petit peu plus et il y a des musiciens invités. Donc, on va y aller avec pour rester un petit peu dans la même veine musicale avec 11 Earls of Mar. Et ça va faire le pont avec l'autoroute qui va suivre avec Jacques Dulac et Vincent Delisle. Donc, on vous souhaite une très bonne semaine et Michel Bilodeau sera là la semaine prochaine pour parler de la Convention Terra Incognita 2014.